Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, immersion glaçante dans les années de plomb allemandes. Tout au long des années 70, la fraction armée rouge, Rote Armee Fraktion, dans la langue de Goethe, plonge l'Allemagne dans une situation d'insécurité, d'hystérie collective à coups d'attentats. Des attentats plus sanglants les uns que les autres. Le groupe terroriste d'extrême gauche se forme autour du combat contre l'impérialisme américain, la répression policière allemande, le capitalisme et la société bourgeoise qualifiée de « nouveau fascisme ». Née dans le terreau d'une Allemagne verrouillée, qui tente d'enterrer son passé nazi, la RAF préfère l'action à la dissertation, la guérilla urbaine au grand discours. Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Jan Karl Raspe, ou encore Gudrun Enslin et Holger Mainz, ces noms et ces visages hantent aujourd'hui encore la mémoire collective allemande. Ils sont diabolisés d'un côté, considérés comme des assassins, idolâtrés de l'autre, érigés en martyrs. Alors, comment et pourquoi un petit groupe d'intellectuels, d'étudiants et d'artistes est-il devenu une faction de combattants prêts à tuer? Vous entendrez dans cette émission également des archives issues du documentaire « Une jeunesse allemande » de Jean-Gabriel Perriot, sorti en 2015. Notre invité aujourd'hui, Isabelle Sommier, professeure de sociologie politique à Paris, spécialiste des mouvements sociaux et de la violence politique en Europe. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Héloïse Davio, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Jusqu'où, jusqu'à quand? Ce sont les deux questions que se pose avec angoisse l'opinion publique à l'Allemagne fédérale. Jusqu'où iront les terroristes dans leur chantage? Jusqu'à quand va se poursuivre l'angoisse des familles des 92 otages? Les terroristes, pour leur part, semblent bien déterminés. Ils ont renouvelé leur ultimatum ce matin. Ou bien le gouvernement fédéral libère la bande à Bader et son chef, Andreas Bader, lui-même. Ou bien le Boeing de la Lufthansa et ses 91 passagers sautera demain à midi sur l'aéroport de Dubaï, dans le golfe Persique. 15 octobre 1977. D'un côté, 91 civils allemands pris en otage dans un avion assurant la liaison entre Palma de Majorque et Francfort. De l'autre, quelque part en Allemagne ou ailleurs, un homme est séquestré depuis 6 semaines. Une célébrité en RFA, Hans Martin Schleyer, le leader du patronat. Terrorisés, les Allemands de l'Ouest retiennent leur souffle. La fraction armée rouge a encore frappé. Un peu plus tôt dans la journée, le pilote de l'avion, le commandant Schumann, avait fait parvenir au chancelier Helmut Schmidt ce message. « Cher monsieur, au nom de l'équipage, des femmes et des enfants du Boeing 737 vol 181, nous dépendons tous de votre décision, nous dépendons de votre décision. Vous êtes notre seul et dernier espoir. » Et voilà un chancelier confronté à l'une des décisions les plus risquées de sa vie, un dilemme insoluble. Que faire? Sacrifier 91 civils innocents et une personnalité de premier plan ou libérer de prison un groupe de terroristes déterminés qui n'hésitera pas à commettre de nouveaux attentats demain? Ultime épisode d'un bras de fer qui démarre 10 ans auparavant, en plein mai 68 allemand. Berlin-Ouest, 2 juin 1967. Le Shah d'Iran en visite officielle en Allemagne assiste à une représentation de la flûte enchantée à l'opéra. Des étudiants manifestent devant l'institution pour protester contre la venue du dictateur iranien en Allemagne. Mais la situation dégénère, les forces de l'ordre chargent les manifestants. Benno Ohnsorg, 26 ans, est tué à bout portant par un policier. Réprimée dans la violence, cette manifestation laisse les étudiants face à leur haine. Les méthodes de la police évoquent chez eux la période nazie. Certains manifestants se retrouvent le soir même au siège berlinois du syndicat étudiant à la pointe de la contestation, le SDS. Comment réagir? Comment répondre? Entre les étudiants, la discussion est animée. Lorsqu'une jeune femme aux cheveux blonds, en pleurs, prend la parole. Ils nous tueront tous. Vous savez à quel genre de porc nous sommes confrontés? C'est la génération d'Auschwitz que nous avons face de nous. Ils ont des armes. Nous n'en avons pas. Nous devons nous armer. Ces mots qui s'aventurent sur le terrain d'un traumatisme encore frais sortent de la bouche de Gudrun Enslin, 27 ans. Fille de pasteur, elle étudie les lettres et l'anglais à l'Université libre de Berlin. Prise dans l'agitation étudiante, elle s'intéresse de plus en plus aux idées d'extrême-gauche. Dénonciation de l'impérialisme américain, de la guerre du Vietnam, du capitalisme et de la répression policière. À l'été 1967, elle rencontre Andreas Bader, de 3 ans son cadet. Son physique de jeune premier et son bagou séduisent Gudrun. Elle quitte alors son compagnon pour Andreas. Mauvais élève, renvoyé de toutes les écoles, il n'est pas un enfant de cœur. À seulement 25 ans, il a déjà été condamné plusieurs fois pour vol de voiture, faux et usage de faux. Mais depuis son arrivée à Berlin, quelques années plus tôt, Bader s'improvise journaliste. Il est devenu l'une des figures de la gauche extra-parlementaire, l'APO. Le couple prend une part de plus en plus active dans la révolte étudiante, particulièrement virulente contre la presse, et notamment le groupe Springer, éditeur de Bild. Il faut dire que ce quotidien étrille la contestation de la jeunesse dans ses pages. Mais les rebelles trouvent quand même un relais en la personne d'Ulrike Meinhof. Cette trentenaire est éditorialiste pour le journal d'extrême-gauche Concrète. Elle réalise également des reportages pour la télé et intervient lors de débats. Comment ce jour de février 1968 ? Face à un parterre d'hommes d'âge mûr, elle n'hésite pas à affirmer ses idées révolutionnaires. L'engagement ne se divise pas. C'est pourquoi Springer et la presse de province adorent que la jeunesse s'engage. Mais tous déclarent que cela dépend de la cause que l'on défend. Nous avons cherché une réponse à cette question. Nous défendons un rationalisme à visage humain. Notre engagement n'est pas dirigé, comme on l'a dit, contre la guerre en général. Mais nous sommes engagés en faveur de ceux qui cherchent à se libérer de la terreur et de la violence. Si la guerre est le seul moyen, nous défendrons leur guerre. Faire la guerre à ceux qui font la guerre. Ulrike Meinhof défend l'action et elle n'est pas la seule. Gudrun Enslin et Andreas Bader, eux aussi, en ont assez des grands discours. La jeunesse est heurtée par les images qui parviennent des bombardements américains au Vietnam. Il faut faire quelque chose, dénoncer ce qui constitue à leurs yeux un nouveau génocide. Alors, décision est prise, assez de manifestations et de réunions, il faut frapper, et fort. Le 2 avril 1968, Andreas Bader, Gudrun Enslin et deux autres camarades, Thorvard Prohl et Horst Zönheim, posent plusieurs bombes artisanales dans deux grands magasins de Francfort. Les détonateurs sont programmés pour se déclencher à minuit. Hors de question de faire des victimes civiles, non. Pour Bader, il s'agit de pulvériser le capitalisme et l'impérialisme avec une charge comparable au bombardement sur le Vietnam. Peu après minuit donc, les bombes explosent et leurs cibles partent en fumée. Pas de victimes, effectivement, mais près de 700 000 Deutschmark de dégâts. Mais les incendiaires ne brillent pas par leur rigueur, si l'on peut dire. Ils ont laissé tellement de preuves que la police les retrouve en 2 jours à peine. Quelques mois plus tard, ils sont condamnés à 3 ans de prison. Il n'y reste que 14 mois remis en liberté provisoire dans l'attente de l'appel de leur procès. Le coup d'éclat de ce petit groupe attire l'attention de l'éditorialiste Ulrike Meinhof, séduite par cette idée de propagande par le fait, défendue par les incendiaires pendant leur procès. Elle leur rend visite en prison et reprend contact avec eux à la sortie. Une liberté qui, cela dit, ne dure pas très longtemps. En novembre 69, la condamnation des jeunes gens est confirmée en appel. Bader, Enslin, Sproul et Zöllheim doivent retourner derrière les barreaux. Démonstration de force de l'État, pensent les activistes. Autoritarisme. D'autant plus que depuis leur attaque à Francfort, la confrontation entre les étudiants et les autorités ouest-allemandes s'est durcie. un attentat contre le leader du SDS, syndicat de gauche, Rudi Dutschke, en avril 1968, a rendu la situation explosive. La défiance est de mise, comme on peut l'entendre dans cette interview d'une étudiante allemande du SDS. Et vous pensez avoir des chances de réussir à transformer, vous, les jeunes, l'Allemagne? Oui, nous avons une grande chance, nous avons beaucoup de succès dans l'université. L'étude et tout a beaucoup changé. Si les mêmes luttes se poursuivent dans les usines, il y a la grande chance de changer toute la société vers une tendance démocratique et pas vers une tendance fasciste comme ça se poursuit au moment. Alors, si je comprends bien, vous allez continuer ce genre de manifestation. Quelle tactique vous voulez employer? Au moment où les gens... Les bourgeois, ils ont une très mauvaise conscience à cause de l'attentat sur Dutschke. Nous pouvons faire une offensive. Ça veut dire, en même temps, à Berlin, il y a une situation très brutale et il faut faire montrer ça aux gens. Mais au fait, pourquoi obéir à l'injonction de la justice? Pas question, pas d'heure. Enslin et Prohl prennent la poudre d'escampette et se réfugient à Paris et en Italie. Seul Holtz Zünlein se rend. Il est bientôt rejoint en prison par Andreas Bader, arrêté quelques semaines plus tard. Le groupe est ainsi coupé en deux. Et cette situation va pousser ses membres à prendre les armes. Prison de Tagel, 14 mai 1970. Andreas Bader a reçu l'autorisation de se rendre à l'Institut des sciences sociales. Une faveur accordée par l'administration pénitentiaire. L'activiste est en train d'écrire un livre de sociologie, il doit mener des recherches. La journaliste Ulrike Meinhof l'y attend pour travailler avec lui. Avant de partir, les officiers qui doivent l'escorter la préviennent. S'ils tentent de s'échapper, ils n'hésiteront pas à tirer. Lorsque Bader arrive à l'Institut des études sociales, Ulrike Meinhof est déjà à la table de travail. Après avoir sécurisé la salle, l'un des officiers enlève ses menottes au prisonnier. Assis côte à côte, Bader et Meinhof semblent travailler studieusement toute la matinée. En tout cas, rien n'a signalé du côté des officiers. Quelques minutes avant 11h, deux jeunes femmes affublées de perruques font irruption dans la salle de lecture, armes à la main. Derrière elles, un homme et une femme encagoulés, Thor Prohl et Gudrun Enslin, entrent à leur tour après avoir tiré sur un employé de l'Institut. S'ensuit un échange de tirs et de gaz lacrymogène avec les officiers. Andreas Bader saute par la fenêtre, suivi par Ulrike Meinhof. Les quatre autres continuent à tirer quelques secondes, puis s'enfuient à leur tour. La fraction armée rouge vient de naître avec perte et fracas. Bilan de l'opération en effet, un mort et deux blessés. Quelques jours plus tard, dans le journal libertaire Agit 883, le groupuscule publie son texte fondateur intitulé « Construisons l'armée rouge ». À ceux qui ont réalisé que l'avenir que leur ont promis leurs instituteurs et professeurs et propriétaires et travailleurs sociaux et superviseurs et supérieurs hiérarchiques et représentants syndicaux et conseillers municipaux n'est rien d'autre qu'un mensonge éhonté, mais qui néanmoins ont peur de la police. Il faut seulement que ces derniers, et non les intellectuels petits bourgeois, comprennent que tout cela est désormais fini. Que c'est le commencement, que la libération de Bader n'est que le début, que l'anéantissement de la domination de la police est en vue. C'est à eux que nous voulons dire que nous construisons l'armée rouge, leur armée. C'est à eux que nous disons « ça a commencé ». Développez la lutte des classes, organisez le prolétariat, démarrez la lutte armée, construisez l'armée rouge. Les activistes défendent le concept de guérilla urbaine. Ces actions doivent permettre d'éveiller les consciences révolutionnaires des masses qui viendraient ensuite grossir les rangs de l'armée rouge pour faire face à l'armée de l'État. Bien, sauf que pour l'instant, les membres du groupe, tous étudiants, journalistes, artistes, ne connaissent que les rudiments du maniement des armes. Pour pouvoir mener cette guérilla qu'ils appellent de leur vœu, ils doivent donc devenir de véritables combattants, pas seulement des intellos révoltés. À l'été 70, ils rejoignent un camp militaire palestinien en Jordanie, où ils apprennent à manier la Kalachnikov. Mais l'entraînement commando tourne de court suite à des désaccords avec les Palestiniens. Bader aurait demandé qu'hommes et femmes puissent dormir ensemble. Et il n'en fallait pas plus à leurs hôtes pour les renvoyer à Berlin. Les membres de l'ARF sont donc de retour en Allemagne à la fin de l'été 70. Le problème, c'est que la lutte armée a un coût. Bader, Meinhof, Esslin et les autres sont recherchés partout et donc contraints à la clandestinité. Alors pendant 18 mois, point de guérilla, mais des actes de banditisme, une délinquance de droit commun. Le groupe multiplie vol de voitures, braquage de banque et autres cambriolages d'administration pour se procurer de faux papiers d'identité. Mais pendant cette période, l'organisation se structure. Andreas Bader, la tactique, à Ulrike Meinhof, la théorie, ce que t'as ses voisins d'ailleurs. Totalement dévolue à la cause, la journaliste a abandonné ses filles pour combattre ce qu'elle appelle le nouveau fascisme. Autour d'eux, Gudrun Enslin, mais aussi Jan Karl Raspe et Holger Mainz. En tout, l'armée rouge compte une vingtaine de membres. Au printemps 1972, elle est prête à frapper. La guérilla est lancée, elle va plonger l'Allemagne dans la terreur et la violence. In Berlin, by the wall, you are 5'10" tall. It was very nice. Candlelight and Dubonnet on ice. We were in small cafe. You could hear guitars play. It was very nice. Oh, honey, it was paradise. Nouvel attentat en Allemagne fédérale, la femme d'un juge de Karlsruhe a été grièvement blessée par l'explosion d'une voiture. Et ce n'est pas la première fois que des attentats de ce type se produisent. Bonne, Christian Billmann. La voiture à Karlsruhe a sans doute été piégée par un commando de la bande à Bader, puisque le juge Gutenberg est chargé de l'instruction ouverte contre la bande. Mais non seulement la voiture d'aujourd'hui, très vraisemblablement celle de jeudi à Francfort, et les deux autres, vendredi, à Munich et à Augsbourg. Nous sommes le 15 mai 1972. Sur France Inter, le correspondant de la radio à Bonn, Christian Billmann, rapporte la série d'attaques coordonnées qui secouent l'Allemagne depuis 4 jours. Il n'y a alors plus de doute, c'est la fraction armée rouge. Et le bilan est déjà lourd. Un officier américain tué et 14 blessés après l'explosion d'une bombe au quartier général américain de Francfort, 16 blessés après 2 détonations à la direction de la police d'Augsbourg et sur le parking de la police criminelle de Munich, auquel s'ajoute donc la femme du juge Gutenberg. Mais la RAF, Rote Armee Fraktion, ou Fraction Armée Rouge, n'en a pas terminé. 4 jours plus tard, 2 bombes explosent à la maison d'édition Springer. 34 ouvriers sont blessés, dont 19 grièvement. Mais sur ce coup, le groupe se divise. Les attentats ne doivent pas toucher de civils. Enfin, le 24 mai, une dernière attaque au quartier général américain de Heidelberg tue 3 soldats. Cette offensive, comme les précédentes, est revendiquée par communiqué. Hier soir, le 24 mai 1972, deux bombes d'une capacité explosive de 200 kg de TNT ont explosé à l'état-major des forces armées américaines en Europe, à Heidelberg. Ces sept dernières semaines, l'American Air Force a balancé plus de bombes sur le Vietnam que sur l'Allemagne et le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Des millions de bombes supplémentaires sont la réponse que le Pentagone compte utiliser pour stopper l'offensive nord-vietnamienne. C'est un génocide, le massacre d'un peuple. C'est la solution finale, c'est Auschwitz. Nous demandons l'arrêt des attaques à la bombe au Vietnam. Nous demandons une interruption du blocus contre le Nord-Vietnam. Nous demandons le retrait des troupes américaines en Indochine. L'offensive de mai est spectaculaire. Et cette vague de violence fragilise le chancelier Willy Brandt, accusé de mollesse. Depuis la spectaculaire évasion d'Andreas Bader, une forme d'hystérie et un sentiment d'insécurité se sont emparés de l'Allemagne. C'est l'autorité même de l'État qui est menacée. Comment ces terroristes d'extrême gauche, traqués depuis 2 ans, peuvent-ils toujours courir? Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin, Jan Karraspe et Holger Mainz deviennent les ennemis publics numéro 1. Une chasse à l'homme est lancée. Dans les grandes villes d'Allemagne de l'Ouest, leurs visages s'affichent sur les murs des immeubles et sont diffusés en boucle à la télé. Des têtes sont mises à prix. 59 000 dollars de récompenses sont offerts pour la capture de chacun d'entre eux. On se croirait en plein Far West. 16 000 policiers sont déployés. Pour les membres de la fraction armée rouge, se fondre dans la masse devient de plus en plus compliqué. Gudrun Enslin se cache à Hambourg, Ulrike Meinhof à Hanovre, Andreas Bader, Holger Mainz et Jan Karraspe à Munich. Et ce sont eux, oui, les trois hommes du noyau dur, qui vont tomber les premiers, le 1er juin 1972, non sans se défendre. Vaste opération de police, en effet, ce matin à l'aube, vers 5h30, autour d'un immeuble du nord de Francfort, non loin de la station de la SIFR Rundfunk. Surpris au gîte, Andreas Bader et trois membres de son groupe, Fraction Armée Rouge, viennent de se réfugier dans le garage situé au sous-sol. Une violente fusillade oppose alors les terroristes aux policiers qui finalement parviendront à neutraliser les assiégés en faisant usage de gaz. Premier appréhendé, Helger Mainz, n'avait pas eu le temps de s'habiller au moment du bouclage de l'immeuble. Ont également été arrêtés deux autres membres de la bande et Bader lui-même, blessé d'une balle au postérieur lors de la fusillade. L'arrestation est filmée par les caméras de télé et les images sont diffusées dans le monde entier, comme ici sur le RTF. Les autorités allemandes mettent en effet un point d'honneur à montrer qu'elles ont réussi à mater la rébellion. Pour y parvenir, le chancelier a lancé des appels à la délation. Ici, c'est un retraité qui a alerté la police. Quelques jours plus tard, Gudrun Enslin et Ulrike Meinhof sont dénoncés à leur tour. En l'espace de 3 semaines, une vingtaine de membres de l'ARF sont arrêtés. Du côté des autorités allemandes, c'est le soulagement, bien sûr. Se pose maintenant et tout de même la question de la gestion de ces prisonniers considérés comme très dangereux. Dans un premier temps, ils sont répartis dans plusieurs prisons et maintenus à l'isolement. Aucun contact avec les autres détenus, promenades solitaires et bien souvent les mains entravées. À la prison de Cologne-Ossendorf, Ulrike et Gudrun sont incarcérés dans le quartier spécial de la section silencieuse, oui, silencieuse du bâtiment psychiatrie femmes. Seules dans leurs cellules, aux murs et meubles blancs, elles sont isolées du moindre bruit et de la lumière du jour qui ne parvient que par une fente étroite. Les jeunes femmes vivent dans un milieu ambiant indiscernable. La privation sensorielle, c'est le nom de ce traitement. Quoiqu'il vaudrait mieux parler ici, et plus clairement, de torture. En témoignent ces mots d'Ulrike Meinhof dans une lettre adressée à son avocat. Le sentiment que ta tête explose. Le sentiment qu'en fait, la boîte crânienne va se casser. Exploser. Le sentiment que ta moelle épinière va te remonter au cerveau à force d'être comprimé. Le sentiment que le cerveau se ratatine comme un pruneau. Le sentiment que tu es sans cesse sous tension, que cela se voit et que tu es téléguidé. Le sentiment que la cellule bouge. Tu te réveilles, tu ouvres les yeux, la cellule bouge. L'après-midi, quand le soleil brille, elle s'arrête tout d'un coup. Tu ne peux pas te débarrasser de ce sentiment que tu bouges. Isolé, affaibli, Bader et sa bande semblent privés de toute capacité de nuire. C'est mal les connaître, car même derrière les barreaux, ils continuent leur combat. Entre janvier 73 et février 75, ils mènent plusieurs grèves de la faim pour réclamer la cessation de l'isolement. Si les autorités restent d'abord inflexibles, ordonnant même des alimentations forcées, un événement funeste va faire basculer le rapport de force. Le 9 novembre 1974, Holger Mainz, l'un des piliers de l'ARF, meurt de faim à la prison de Wilklich. Des comités de soutien se constituent en Allemagne, mais aussi à Milan, Bruxelles, Paris. Et des intellectuels comme Jean Genet ou Jean-Paul Sartre prennent fait et cause pour les prisonniers politiques. Le 4 décembre 1974, le philosophe existentialiste se pique même d'une petite visite à Andreas Bader à la prison de Stuttgart-Stammheim. Vivement critiqué par la presse allemande, il s'en explique au micro d'Antenne 2 à la sortie. Quelle impression vous a donné Andreas Bader ? D'être maigre, très maigre, à cause de la grève de la faim qu'il fait, d'avoir un visage assez torturé, mais d'avoir parlé très calmement de ce qu'il avait à me dire. Vous avez dit dans plusieurs interviews que vous étiez globalement solidaire de Andreas Bader, mais que vous n'acceptiez pas tout à fait ses méthodes. Est-ce que vous pensez la même chose après l'avoir vu ? Oui, c'est-à-dire que il y a différentes méthodes qui permettent à gauche de lutter contre les forces qui sont opposées au mouvement de gauche. Et la sienne est peut-être valable en Allemagne, je ne sais pas, mais elle ne réussirait pas en France. Soutien, disons, distant de Sartre. Les grèves de la faim, à défaut de produire des résultats, renforcent en tout cas la cohésion du groupe et mobilisent une nouvelle génération de militants à l'extérieur. À l'aube du procès de la fraction Armée Rouge, les autorités allemandes pensent encore que le plus grand danger se tapit dans l'ombre de la prison de Stuttgart-Steinheim, où tous les terroristes ont été rapatriés. Pour éviter tout risque d'évasion, un tribunal a été construit spécialement le long de la prison. Les Allemands, pourtant, n'en ont pas fini avec le cycle de la terreur. Le 21 mai 1975, le plus grand procès en Allemagne depuis Nuremberg s'ouvre. Ils sont quatre dans le box. Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin et Jan Karl Raspe. Quelques semaines plus tôt, une loi a été votée pour restreindre les droits de la défense. À l'arrivée du président du tribunal, le juge Prinzing, il s'écrie en chœur « Heil Prinzing !» Une provocation destinée à les faire expulser de l'audience pour ne pas comment, disent-ils, cautionner la parodie de justice bourgeoise. Eh bien, c'est raté. Le procès se tiendra. Les accusés vont donc s'en servir comme d'une tribune. En témoigne cette intervention d'Ulrike Meinhof. Madame Meinhof, vous pourrez vous exprimer quand le Sénat décidera s'il vous exclut ou pas. On n'oubliera pas ce que vous faites aujourd'hui. Vous ne pourrez pas continuer ce procès avec de faux témoignages et des constructions policières. Nous ne pouvons pas participer à ce procès parce qu'on nous torture depuis 3 ans et demi. Bien. Madame Meinhof perturbe l'audience. Espèce de sale. Et on peut s'attendre à ce qu'elle continue. Évacuez Madame Meinhof. Ce n'est pas possible, Prinzing. C'est du fascisme. Monsieur Raspe, vous n'avez pas la parole. Ce micro est branché. Évacuez les accusés. Les débats s'enlisent. Seul espoir des prisonniers, les nouvelles recrues de la RAF à l'extérieur. Et d'ailleurs, ces derniers commencent à être actifs. Un mois plus tard, le commando Holger Mainz, du nom de ce membre mort de faim en prison, prend d'assaut l'ambassade d'Allemagne à Stockholm. 12 personnes, dont l'ambassadeur, sont prises en otage pendant 12 heures. Les 6 assaillants veulent la libération de 26 membres de la fraction Armée Rouge. Bilan, 4 morts, dont 2 preneurs d'otages et 2 civils. entre les membres du noyau dur, des fissures apparaissent. Ulrike Meinhof pousse tout le monde à l'autocritique. Sans doute a-t-elle compris que la lutte armée était en train d'échouer parce que les masses ne suivent pas. Andreas Bader et Gudrun Enslin la couvrent de boue par courrier interposé. L'intellectuel est de plus en plus isolé. Le 9 mai 1976, au matin, Ulrike Meinhof est retrouvée pendue à la fenêtre de sa cellule. Quelques mois avant, elle avait noté en marge d'une circulaire « Le suicide est le dernier acte de la rébellion ». La bande à Bader crie au meurtre. En représailles, le 7 avril, la RAF, seconde génération, assassine le procureur général Siegfried Buback, rendu responsable de la mort d'Ulrike Meinhof et de Holger Mainz. Un nouveau cap est franchi, l'institution judiciaire est directement attaquée. Le 28 avril 1977, Bader, Enslin et Raspe sont condamnés à la perpétuité pour assassinat. Alors ils entament une nouvelle grève de la faim. Jusqu'à ce que les cellules extérieures de la RAF leur demandent d'arrêter, car elles préparent un gros coup. Lundi 5 septembre 1977, 18h30. À Cologne, Hans Martin Schleyer, le président du puissant syndicat des patrons et des industriels allemands, ancien officier nazi et de notoriété publique, rentre chez lui. Sa voiture est escortée par un véhicule de la police. Alors que la Mercedes du grand patron approche de sa destination, un landau est balancé au milieu de la route, obligeant le convoi à ralentir. En un quart de seconde, des tirs de mitraillette retentissent. Les tireurs sont installés dans un combi Volkswagen, garé sur le côté. Massive, l'opération commando ne laisse aucune chance aux deux policiers, aux gardes du corps et aux chauffeurs d'Hans Martin Schleyer. Ils sont tués sur le coup. Le patron des patrons, lui, est empoigné et installé dans le combi qui démarre immédiatement. Et le voilà kidnappé par la fraction armée rouge. Le soir même, le chancelier Helmut Schmidt prend la parole à la télé. La nouvelle tentative d'assassinat de Hans Martin Schleyer et des fonctionnaires et collaborateurs l'accompagnant m'a profondément choqué. Quatre morts, citoyens de notre État, s'ajoutent depuis ce soir à la liste des victimes de terroristes aveugles qui, nous en sommes conscients depuis le début, n'ont pas encore épuisé leur énergie criminelle. Celui d'entre vous, quel qu'il soit, qui peut donner même la plus petite des informations sur les circonstances des crimes précédents, ou la plus petite des indications sur les circonstances du crime de ce jour et de l'enlèvement de Hans Martin Schleyer, a ici, en tant que citoyen de notre État de droit, le devoir moral impérieux de soutenir activement la police dans sa recherche des meurtriers et ravisseurs. Toute l'Allemagne est en état d'alerte. La RAF demande une nouvelle fois la libération de ses membres fondateurs. Mais les semaines passent. Régulièrement, cela dit, des signes de vie du patron des patrons allemands sont envoyés. Mais pour l'instant, le chancelier Helmut Schmidt tient bon, il ne veut pas céder, surtout pas à la demande des terroristes. Mais la situation devient plus dramatique lorsque le 13 octobre, le vol Palma de Mallorca Francfort est détourné. Les quatre preneurs d'otages se revendiquent d'un groupe inconnu, la SWIAO. Mais le lien avec la fraction armée rouge est vite établi. Les terroristes exécuteront les passagers un à un si 11 membres du groupe d'extrême gauche ainsi que 2 prisonniers palestiniens ne sont pas libérés. Pendant 5 jours, l'avion erre d'aéroport en aéroport, Rome, Larnaca, Bahreïn, Dubaï, Aden et enfin Mogadiscio. Pendant ce temps, Helmut Schmidt consulte les membres de l'opposition. Dans un premier temps, on le dit prêt à céder. Mais non, il tient. Le 17 octobre, le pilote de l'avion, le commandant Schumann, est exécuté. Il n'y a plus de temps à perdre. Quelques heures plus tard, le chancelier ordonne aux forces spéciales de donner l'assaut. 0h30 cette nuit sur l'aéroport de Mogadiscio, tout de suite après l'assaut. Les 86 otages qui se trouvaient enfermés dans cet avion depuis jeudi dernier sont rassemblés. Beaucoup n'ont pas encore compris ce qui leur arrive, n'ont pas réalisé qu'ils sont à nouveau libres. L'assaut de la brigade spéciale de la police ouest allemande n'a duré en tout et pour tout que 5 minutes. D'abord, les portes de l'avion sont arrachées. Un policier crie « Couchez-vous !» Des grenades aveuglantes explosent. Les 4 terroristes, dont 2 femmes, sont abattus. Une dizaine de passagers sont légèrement blessés. C'est ce que racontent les premiers témoins. Tout est fini. Quelques minutes après l'assaut, la radio allemande diffuse des flashs spéciaux. C'est sans doute ainsi qu'Andreas Bader apprend la nouvelle grâce à un petit poste caché dans sa cellule. Sa dernière chance d'échapper à la prison vient de s'envoler. Il le retrouvait le lendemain matin, une balle tirée dans la nuque. Et dans une cellule voisine, on découvre Jan Karl Rasp, une balle logée derrière l'oreille, et Gudrun Enslin pendue avec des fils électriques. Suicide collectif ? Comment ces prisonniers d'un centre pénitentiaire si sécurisé ont-ils pu se procurer des armes ? Alors, si c'était un meurtre ? Peu probable, mais les fractions armées rouges ont tout fait pour laisser planer le doute. Mais pour le patron des patrons toujours détenu par le groupe à l'extérieur, la nouvelle vaut condamnation à mort. L'après-midi du 19 octobre 1977, le journal français Libération reçoit le communiqué suivant. Nous avons mis fin à l'existence misérable et corrompue de Hans Martin Schleyer. Schmidt peut aller chercher le corps, qui se trouve dans une Audi 100 de couleur verte, garée rue Charles Péguy à Mulhouse et immatriculée à Bad Homburg. Schleyer, victime sacrifiée par le gouvernement de Bonn contre le groupe terroriste le plus redoutable et violent que l'Allemagne a connu depuis la fin de la guerre. La fraction armée rouge, Rote Armee Fraktion, ou Banda Bader, restera active jusqu'en 1998. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Fraction Armée Rouge avec notre invitée Isabelle Sommier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en sociologie, directrice adjointe du Centre européen de sociologie et de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste de la violence politique. Vous avez notamment écrit La violence révolutionnaire, paru en 2008 aux éditions Presse de Sciences Po. Voilà, on voit dans la fin du récit qu'il y a eu plusieurs générations d'infractions armées rouges, plusieurs vagues de militants. Elles avaient la même motivation, c'était la même racine et les mêmes feuilles, les mêmes branches, si je puis dire. Non, c'est une deuxième génération précisément. Très bien. Hein, qui rejoint en fait les rangs de la RAF entre 75 mm-hmm. et 77 et qui n'a pas connu les luttes étudiantines et contre la guerre du Vietnam dans lesquelles se sont socialisés les membres de la première génération. Donc ils avaient des méthodes différentes et des motivations différentes jusqu'en 98, parce qu'on dit qu'ils sont restés actifs jusqu'en 98. Alors il y avait très certainement une matrice un peu plus anarchisante, puisque ces militants sont arrivés après l'expérience, souvent, du soutien au comité contre la torture. Hein, il s'appelait ainsi, en soutien avec les militants incarcérés de la première génération. Donc une empreinte plutôt autonome et plutôt anarchisante. Et surtout, ils vont beaucoup plus s'orienter encore sur le front anti-impérialiste. Alors, on va y revenir sur tout cela, bien sûr, sur les motivations. Alors pour le coup de la première vague, la première génération, celle dont on a parlé pendant le récit. Alors, il y a quand même une zone d'ombre, un débat autour de la mort des membres qui constituaient le noyau dur, on l'a dit dans le récit. Officiellement, c'est un suicide collectif. D'autres membres de la fraction Armée Rouge ont crié au meurtre, ce qui serait pour le coup un meurtre d'État. Quelle est la version, selon vous, la plus plausible ? Plausible, parce qu'on n'a pas la vérité établie. Ah non, on ne l'a pas. Du côté de l'extrême gauche, on pense toujours qu'il s'agit d'un suicide. Pour Ulrich Meinhof, c'est très certainement un suicide. Pour les trois autres membres, ça reste ouvert, même si du point de vue des chercheurs, c'était aussi un suicide. Donc on est sur la thèse du suicide, d'accord. Alors, Andreas Bader se suicide donc, et lors de ses obsèques à Stuttgart, le 27 octobre 1977, qui est aussi les obsèques de Gudrun Enslin et Jan Kalrasp, ces obsèques ont attiré de nombreux sympathisants. On va écouter cette interview de trois d'entre eux au micro de France Inter, le même jour, donc le 27 octobre 1977. Pour moi, c'est un assassinat et je suis venue pour protester contre le bafouement des libertés démocratiques en Allemagne. Quoi. Pas du tout parce que je suis anarchiste ou que je suis pour les méthodes d'action de la bande à Bader, mais simplement au nom de la démocratie et de la liberté et de la justice. Moi, j'ai la forte impression qu'ils ont été assassinés. Vous partagez les idées d'Andreas Bader et de ses amis ? Je n'approuve absolument pas les méthodes d'action parce que pour nous, ils arrivent au résultat contraire de ce qu'ils veulent. Mais disons, je porte absolument pas le même jugement que la presse bourgeoise en général. Pour moi, ils sont le reflet de la violence d'État qui existe en Allemagne fédérale. La RAF nous a montré beaucoup de choses sur cette société ici, qu'il y a un fascisme caché. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Ils n'ont pas pu communiquer avec la population. Je pense que cette politique n'a aucune chance en Allemagne de l'Ouest, ni ailleurs dans tout le monde. Vous avez remarqué, il y a dans ces propos-là et dans ceux qu'on a entendus pendant le récit, beaucoup de références au fascisme. Alors évidemment, l'Allemagne est un cas spécial. Je rappelle que nous ne sommes qu'à 27 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, que la jeunesse allemande porte à son corps défendant cette histoire allemande qui est difficile à porter. Mm-hmm. Donc est-ce que ça permet d'expliquer l'éclosion de mouvements de gauche, d'extrême gauche, violents comme la fraction Armée Rouge, cette particularité historique ? Non, je ne crois pas. En revanche, ce qui est intéressant de noter, c'est que les trois pays qui ont été le plus touchés par ces phénomènes au cours des années 70, c'est l'Allemagne, c'est l'Italie, et puis France. Un peu plus loin, non. Non, avec action directe quand Japon. Même. Le Japon. Le Japon. Donc ça fait quatre. Enfin, on y reviendra. Continuez, pardon. Et vous remarquerez que les trois pays en question sont des pays qui ont eu des expériences de fascisme, qui sont dans des situations de souveraineté limitées, puisque soit il y a la présence très claire des Américains. Donc, en Allemagne, oui, tout cela fait quand même un faisceau, en quelque sorte, d'interrogation. Mais le passé fasciste ne joue pas de la même façon pour les Allemands et pour les Italiens. Pour les Allemands, très clairement, c'est le fardeau de la mémoire. On interprète beaucoup en la RAF comme un cri à destination des aînés sur qu'est-ce que vous avez fait pendant le nazisme. Et vous voyez, Schleyer notamment. Effectivement. Ah oui, Schleyer. Ça, c'est il est tué non pas comme patron des patrons, mais pour son passé nazi. Mmh. Et puis, vous avez noté tout à l'heure l'équation, ce qui se passe au Vietnam, ce que fait les Américains au Vietnam, c'est Auschwitz. Alors que pour les Italiens, c'est différent. Mmh. Pour les Italiens, eux, souvent, ils disent, alors est-ce faux ou vrai, bon, que ils avaient un père ou un oncle résistant. Et donc ils entendent poursuivre le combat jugé inachevé de la résistance comme moment révolutionnaire. Donc, dans les deux cas, c'est une sorte d'épuration après l'heure, quoi. Alors, il y a aussi le thème, effectivement, que l'épuration n'a pas été assez loin, bien entendu. Hein. Mais dans un cas, on est plutôt dans un registre, je dirais, défensif, dans un registre de la rédemption également, hein, alors que dans l'autre, on est dans un registre plus offensif. Comment expliquer maintenant que la fraction armée rouge n'attire autour d'elle qu'une quarantaine de membres quand on s'est même beaucoup lui prêté. Même beaucoup lui prêté. On va même dire entre 20 et 30. Oui. Hein. On était un peu sur 20 d'ailleurs pendant le récit. Alors que les brigades rouges en Italie en attirent autour de 200. Alors c'est peut-être beaucoup leur en donner aussi, je ne sais pas. Oh non, c'est beaucoup plus. Et c'est moins. Ah ben voilà. C'est beaucoup plus. Bon, ben, je suis désolée. Ça renforce. Non, vous avez raison, vous êtes historienne, vous êtes dans la précision. Mais n'empêche que ça renforce le sens de ma question. Elle n'en devient que plus valide, si je puis me permettre. Mais tout à fait, tout à fait. En fait, il y a eu plus de 1400 militants des Brigades Rouges incarcérés. Alors, si on regarde les chiffres, hein, on considère effectivement une vingtaine de personnes à la RAF. Au total, en Allemagne, 227 personnes qui vont être incarcérées pour appartenance à une bande armée. En Italie, il y en aura 6000. Et il y aura 20 000 personnes inculpées pour association avec un groupe subversif. En France, Action directe, c'est une vingtaine de personnes. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très... les volumes, si je puis dire, sont très différents. Alors, pourquoi maintenant sont-ils si différents? Alors, parce que, pour l'essentiel, la RAF et les autres groupes, hein, parce qu'il n'y a pas que la RAF, hein, il y a également le mouvement du 2 juin, justement en référence à ce premier martyr qui est Benno Hohnsorg, vous en avez parlé, hein, et il y a les cellules révolutionnaires, autonomes, hein, donc on avait trois organisations, mais les trois organisations en question sont des organisations qui ont toujours été extrêmement isolées, qui n'ont par ailleurs jamais cherché à conquérir la classe ouvrière, hein, selon le principe de mettre l'étincelle en espérant que l'agitprop va agir sur la classe ouvrière. Pour les Allemands, la classe ouvrière, elle est définitivement acquise au révisionnisme et au réformisme, de son point de vue. Hein. Donc, c'est aussi pour cela qu'il y a ce front anti-impérialiste et que les cibles sont essentiellement des soldats américains, etc. Donc, un très grand isolement social de ces groupes, très différent de l'humus et du terreau qu'il y a en Italie à la même époque. En tout cas, est-ce qu'il y a la même logorée entre Action Directe, RAF et Brigade Rouge dans leur communiqué, cette logorée d'extrême-gauche? Voilà, on trouve les mêmes termes? On retrouve, oui, alors pas exactement, mais enfin on est dans une période de réactivation du mythe révolutionnaire. Oui. Donc, on a des propos plus ou moins bien articulé, on va plus dire. Plus ou moins clair, d'ailleurs. De marxisme-léninisme, de référence à Mao, bien entendu, hein, parce qu'on ne peut pas non plus comprendre ces années sans voir ce que la révolution culturelle lancée par Mao en 66 a éveillé, des espoirs, l'idée que c'était la jeunesse qui allait conduire la révolution, désormais. Oui. Hein. Donc on a cela, mais on a aussi, selon les groupes, comme je vous le disais, des influences anarchisantes, plus ou moins nette. Et puis, ce qui est différent, me semble-t-il, dans la langue de ces groupes, c'est, en tout cas à la RAF, une dimension très morale. Hein, et puis, on parle de porc, etc. Donc, autant les textes des Brigades Rouges sont très secs, c'est des textes politiques, autant dans les textes de la RAF, on a aussi une dimension qui renvoie à ce que je disais, hein, cette dimension de rédemption, de moralité, il faut sauver en quelque sorte l'honneur. Ouais. Alors, on va voir qu'il y a pu y avoir des synergies entre ces groupes armés, au-delà de la logorée. On va écouter un extrait du journal télé d'Antenne 2 du 26 janvier 1985. Action directe vient ce jour-là de commettre son premier assassinat, en l'occurrence sur le général Audran, qui était le responsable, pour faire court, des ventes d'armes en France à l'époque. Bonjour à tous. Le groupe terroriste d'extrême gauche Action Directe a donc basculé dans la violence en assassinant hier soir de 8 balles de 11.43 le directeur des affaires internationales au ministère de la Défense. Cet assassinat, le premier dans l'histoire du terrorisme d'extrême gauche en France, apparaît comme une déclaration de guerre à l'État français, en même temps que la naissance d'une sorte d'international du terrorisme le plus radical. L'exécution de René Audran a été menée par le commando dit Elisabeth von Dyck. C'est un membre de la fraction armée rouge allemande qui avait été exécuté à Nuremberg en 1978. Alors, Action Directe en France s'en prend au général Audran. Plus tard, l'organisation s'en prendra au patron de Renault de l'époque, Georges Besse, assassiné. Ça rappelle Schleyer, sauf que le passé de Besse n'a rien à voir avec celui de Schleyer. Mais si on met ça de côté, c'est un grand patron représentant du capitalisme qui est assassiné en France par Action Directe. Mais en tant que représentant du patronat. Du patron, c'est ce que je dis. Il y a en déconnexion totale de ce qui s'est passé, évidemment pour Schleyer, puisqu'on faisait référence à son passé nazi. Enfin, c'est quand même, on a quand même de chaque côté de la frontière du Rhin deux attaques contre deux personnes qui représentent l'ordre capitaliste établi. Et puis du côté de l'Italie, là pour le coup, la transgression est encore plus forte du côté des Brigades Rouges, puisqu'on assassine Aldo Moro, qui est un personnage politique absolument essentiel, qui allait devenir président du Conseil, qui allait gouverner l'Italie. Donc les méthodes sont à la fois proches et pas complètement proches entre les trois. Est-ce qu'il y avait coordination? Est-ce qu'il y a des vraies coordinations militaires, stratégiques et d'état-major? Alors, entre les trois. Il y a une claire collaboration entre les Allemands et les Français, mais aussi avec les Belges, le DCCC, c'est les communistes. Par contre, avec les Italiens, pas vraiment. Alors, Action Directe a eu quelques liens avec un groupuscule, les COLP, les communistes organisés pour la libération prolétarienne, qui était un micro-groupe italien, mais vraiment pas grand-chose. Non, les Italiens restent très centrés sur leur propre territoire. Alors que les Allemands et les Français, comme je voulais, enfin, en tout cas, pour la branche parisienne d'Action Directe, c'est différent pour la branche lyonnaise, sont des groupes qui, d'emblée, se situent plutôt sur le registre de l'anti-impérialisme et qui sont très isolés. Et la stratégie de ce que certains appellent l'euroterrorisme témoigne justement de leur isolement qu'ils essaient de compenser par la collaboration. Parlons maintenant de la façon dont les États allemands, italiens, français, dont trois démocraties d'Europe occidentale, font partie notamment de ce qui n'appelait pas à l'époque l'Union européenne, mais de l'Europe. Est-ce que les réponses sont différentes, finalement, les réponses répressives, que ce soit en France, en Italie ou en Allemagne? Ah oui, très clairement, entre l'Allemagne et l'Italie d'un côté et la France de l'autre, de toute façon, la menace n'était pas la même, donc les réponses n'ont pas été du tout les mêmes. Ça a été évoqué dans votre reportage sonore, l'Allemagne a une politique répressive qui arrive très très très très tôt. Puisque dès 1972, la RFA met en place alors j'ai pas le bon accent allemand que vous avez, le Berufsverbot, qui... Ça fait comment? C'est les interdictions de travailler. Verboten, hein. Pardon. Donc, dans la fonction publique, pour les personnes qui sont soupçonnées d'accointance avec des organisations subversives. Et il y a 100 000 personnes qui vont devoir, comme ça, expliquer ou accepter de voir leurs opinions politiques fouillées pour éventuellement être embauchées dans la fonction publique. C'est une sorte d'état d'urgence ou d'état d'exception qui est mis en place, là, pour le coup. Oui, très clairement. Mm-hmm. Puis après, on a eu, effectivement, une législation antiterroriste assez importante et surtout l'isolement des carcérales. Action Directe a connu aussi. C'est Joël Aubron qui est devenu... Cyprien qui est devenu fou de ce traitement-là. Ben oui. Et puis également des restrictions au droit de la défense. Là aussi, je crois que vous l'avez évoqué. Donc, quand même une politique très dure. En Italie, ça va être plus lent, mais parce que la fraction armée rouge passe tout de suite aux victimes. Dès 1972, il y a des morts, alors des assassinats. Mmh. Alors qu'en Italie, c'est 74. Donc l'Italie va mettre plus de temps. Et ensuite, la législation antiterroriste va être très développée, mais elle va véritablement vaincre ces groupes, je dirais politiquement, en mettant en place deux nouvelles figures. La figure du repenti, qui collabore absolument avec la justice, et la figure du dissocié, qui sans collaborer, estime qu'il a eu tort et que le recours à la violence n'est pas possible en démocratie. Et ça va entraîner des dissensions internes à tous les groupes et leur explosion. Merci infiniment pour tous ces éclairages que vous nous avez apportés, Isabelle Sommier. Je voudrais remercier Lucie Digou, Hélène Bizio, Eric Oswald et Adrien Mora pour l'ensemble des lectures que vous avez entendues. Remerciements tout particuliers également à Alexandre Sorocco pour son travail de traduction. Merci mesdames, merci monsieur. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la bande à Badère, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires, bien sûr, si le cœur vous en dit. Merci à Arnaud Caillet qui était à la technique aujourd'hui.